C'est le moment de suivre l'édition de la mi-journée de ce jeudi. Voici d'abord les titres. Les organisations œuvrant en mairie de Bujumbura, les organisations non gouvernementales œuvrant en mairie de Bujumbura enregistrent quelques manquements en rapport avec les recettes fiscales. Lors de l'atelier de sensibilisation, le porte-parole de l'Office burundais des recettes, OPR, appelle à ces ONG au respect des procédures fiscales. Cherté des matériaux de construction en commune Lugombo de la province Chibitoke, cela est lié à la pénurie de mazout, s'achetant actuellement à 12 000 francs boules le bidon de 20 litres sur le marché noir, comme expliqué par les fournisseurs de ces matériaux. Et en commune Kabedi de la province Bujumbura, la population menacée par les glissements de terrain demande aux bienfaiteurs de leur venir au secours. Les détails, c'est dans quelques secondes. La mise en onde est assurée par Alphonse Kugimana et à la présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Page éducation pour débuter ce journal. Le dialogue devrait être mis en avant pour trouver solution aux problèmes rencontrés parmi les membres des syndicats, des enseignants réunis dans la coalition COSESONA. Victor Ndabaniwe, président de cette coalition, précise que l'absence de dialogue franc sur certains points entre la coalition et le ministère de l'Éducation a fait qu'il y ait des violations des droits syndicaux. Il a dit ce jeudi, c'était lors de l'Assemblée générale, de tous les membres du Fonds pour le logement des enseignants FLE en vue de leur présenter les réalisations de l'année 2021, suivez-le. Au cours de cette année, l'absence d'un dialogue franc et sincère avec le ministère et l'Éducation nationale dans ses attributions a fait que les syndicats des enseignants connaissent des menaces qui ont été suivies par la violation de la liberté syndicale et l'ingérence dans l'organisation, dans la gestion, dans le fonctionnement des syndicats. Cette ingérence est par la désinformation des plus hautes autorités du pays, par des gens mal intentionnés, qui n'ont qu'une seule vision, détruire l'action syndicale et enfin à la bonne gouvernance. Dieu merci, l'organe de prévention et de gestion des conflits du monde du travail qui est le CNDS est intervenu et a pu rétablir les choses en ordre en faisant signer un accord qui, à l'heure actuelle, devrait être évalué en vue de renforcer le dialogue et accroître la production dans le système éducatif. La COSESONA félicite et encourage ses représentants à tous les niveaux. Je les interpelle à penser au développement de leurs familles et du pays en initiant des activités génératrices de revenus en vue d'être de bons modèles dans les milieux de vie et de travail. La COSESONA reste toujours ouverte au dialogue et à la concertation pour la bonne marche du système éducatif burundais et rester engagé à la promotion du développement intégral. Les programmes du gouvernement ont été réalisés jusqu'à 39,9% pour le premier semestre 2021-2022. Le Premier ministre l'a déclaré ce jeudi, c'était lors de la présentation du rapport de mise en application du programme du gouvernement pour le premier semestre devant le Parlement. Le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni reconnaît les défis qui ont freiné l'exécution de certains programmes, à savoir le retard dans le décaissement des fonds ainsi que la pandémie de COVID-19. Page commerce à présent, les matériaux de construction sont chers en commune Lugombo de la province Chibitoke. Le fournisseur explique que c'est la conséquence de la pénurie de mazout qui s'achète à 12 000 francs boules le bidon de 20 litres sur le marché noir. Les maçons, quant à eux, disent être désœuvrés suite au manque de chantier. Alexis Ndeiragidje depuis Chibitoke. Les prix du sable, moellon, gravier ou autres matériaux servant à la construction des maisons ont monté ces derniers jours en commune Rugombo, entre 2 000 flambeaux et 20 000 flambeaux. Les fournisseurs de ces produits indiquent que ce prix a monté suite à la pénurie du mazout, en précisant qu'un bidon de 20 litres s'achète frauduleusement à 20 000 flambeaux. Les vendeurs d'eau, fer à béton, tôle, tube, d'autres affirment que la clientèle a sensiblement diminué puisque les chantiers en cours ont chuté. Les maçons rencontrés au marché moderne de Chibitoki, dans l'endroit communément appelé Mendev, indiquent qu'ils enregistrent la pauvreté dans leur ménage, toujours suite à la diminution du chantier en cours, tout en souhaitant que la cause de cette diminution trouve solution. Depuis Chibitoki, Alexine Deiragije, Radio Isanganiro. Merci Alexis Chibito. Depuis Chibito, que les éleveurs de 5 communes non couvertes par la campagne d'insémination artificielle en cours et en province Ngozi demandent que leurs vaches soient aussi inséminées. Le responsable de cette activité dit être limité par l'insuffisance des hormones. Innocent Nakalotimana indique que seules les communes bénéficiaires du programme de développement des filières sont concernées et demande au gouvernement de disponibiliser ces hormones pour que tout le cheptel bovin d'Ngozi puisse en bénéficier chaque fois qu'il y a besoin. Apollinaire Muzagara. Cette campagne d'insémination artificielle va toucher environ 300 vaches de 4 communes sur les 9 que compte la province Ngozi, à savoir Gashikanwa, Ngozi, Usiga et Kiremba, communes dans lesquelles le programme de développement des filières a distribué des vaches laitières. Les éleveurs d'autres communes demandent que cette activité soit aussi exercée chez eux, indiquant qu'ils sont au courant que l'insémination artificielle de meilleures races, très productives en lait, viande et fumes. Innocent Nakalutimana annonce que le BPAE est limité par le manque d'hormones et que même tous les éleveurs de ces 4 communes ne seront pas touchés. Cet inséminateur provincial demande au gouvernement de disponibiliser ces hormones pour qu'elles soient en permanence au bureau provincial en charge de l'environnement, agriculture et élevage. Comme ça, dit-il, tous les éleveurs vont en bénéficier chaque fois qu'ils en ont besoin et a expliqué que cela pourrait augmenter sensiblement les effectifs du cheptel bovin de race meilleure dans cette province, car chaque fois qu'une vache met bas, l'insémination suivante se fait 3 mois après, ce qui implique selon lui qu'il y a un nouveau veau chaque année chez un propriétaire d'une vache. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganir. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h03 sur Isanganiro, directeur des hôpitaux communaux de la province sanitaire de Karusi, demande que ces structures sanitaires soient appuyées pour que ces centres de santé récemment transformés en hôpitaux puissent offrir réellement les services nécessaires à la population. La souhait a été exprimée ce mercredi lors d'une réunion de tous les intervenants du secteur de la santé de la province Karusi, une réunion de présentation des programmes d'appui à ce secteur. Les partenaires financiers affirment être favorables, mais disent attendre qu'un document régissant le fonctionnement de tels hôpitaux. Et certaines collines de la commune Kabedi en province Bujumbura sont menacés par les glissements de terrain provoquant le déplacement de la population. L'administration locale dit avoir procédé à l'évaluation de plusieurs ménages et appelle à la solidarité pour venir en aide aux sinistrés. Charles Makod. Kupuga ngo hasamye kubera imvura kandi nico cyatumye tuhava hahereye kuva muti rero ntirwovuga ngo imanga ngo iva kubiki twese twabyaratuyobeye kubita. Ce sont ici les certains membres de ces ménages de la sous-colline et colline Kiremba condamnés à des guerres pires pour cause les terres fissurées avec comme conséquence l'effondrement de leur maison s'emparer des champs de culture charriés dans la vallée. Une situation qui n'a rien à voir avec la période des pluies, comme en témoigne cette femme. Cela a commencé depuis l'été, vers une petite partie, petit à petit, jusqu'à ce que ça touche les maisons. Vous constatez que les maisons sont détruites. Les voisins nous ont déjà signalé que ça va continuer à s'aggraver, que le mieux est de quitter cet endroit. L'effondrement d'une partie de la sous-colline Tchéri, de la colline Migera, a emporté les champs de culture, y compris les arbres fruitiers, les uns laissant place aux autres, un phénomène loin d'être compris par les habitants. laissa croire qu'il s'agirait des minéraux qui seraient à l'origine de cet état des faits. Cela nous étonne, la façon dont les montagnes se sont écroulées, les manguiers, les avocatiers, les bananiers et les maniocs ont tous tombé d'une façon étonnante. Nous trouvons qu'il est nécessaire d'envoyer les experts pour vérifier si ce problème n'est pas causé par des minéraux qui sont dans le sol. C'est sinistré de la commune Kabedzi, pris au secours des âmes bienveillantes. Maintenant que nous sommes logés, nous vivons une vie très difficile. Vous le comprenez que ce n'est pas du tout facile. On n'est pas bien nourri comme on le souhaite. En bref, c'est difficile de s'organiser ou de faire des projets. La vie change. Nous demandons que les bienfaiteurs puissent nous venir en aide, comme la première dame l'a fait récemment chez d'autres victimes qui ont subi la même catastrophe que nous, qu'ils viennent nous assister car nous mangeons à peine. Les autorités collinaires affirment avoir transmis des rapports de situation à l'autorité communale, ce que confirme Ferdinand Danezelewe, secrétaire exécutif de la commune Kabedzi, qui appelle à la solidarité locale, affirmant que des stratégies ont été prises pour pallier à ces défis. Pour ces ménages où il se remarque difficile comme ça, il faut que la population ou bien les ménages puissent dégager immédiatement et afin d'aller s'installer sur d'autres collines où il n'y a pas de problème. À la population, c'est d'être premièrement solidaire et d'intervenir chaque fois pour un ménage en danger. En ce qui concerne avec la protection de l'environnement, nous sommes en train de multiplier les plans afin de planter des arbres sur ces collines où il se remarque les glissements de terre. Les collines Kiremba, Migera, Mubonero, Gembe sont les plus affectées par ces glissements de terrain dus au changement climatique, comme l'explique l'autorité communale. Merci Charles Makoto. Les organisations non gouvernementales œuvrant en mairie de Bujumbura sont appelées au respect des procédures fiscales. C'est l'appel du porte-parole de l'Office burundais des recettes OBR dans un atelier de sensibilisation. Représentant de ces ONG, Stani Ngendakumana indique que ce secteur enregistre quelques manquements, notamment la déclaration des impôts sur les revenus. Suivez-le. Et nous avons réuni effectivement cette catégorie de contribuables afin d'échanger sur le respect des lois et procédures fiscales et douanières, ainsi que la lutte contre la fraude fiscale et douanière, parce que dans cette catégorie de contribuables, il y a des erreurs qui sont commises, parfois par ignorance. On voudrait être au même degré d'information par rapport au respect des prescrits de la loi. En ce qui est des obligations fiscales et douanières, les ONG, afin qu'elles puissent contribuer à l'amélioration des recettes fiscales et douanières. Partant du début des activités des ONG, nous avons constaté que, par exemple, certaines ONG ne savaient pas les procédures de demande d'exonération. Après, on peut constater parfois que certaines ONG ne savaient pas bien déclarer l'impôt sur les revenus d'emploi pour leurs employés. Et en plus de cela, on peut observer que certains défis dans la collecte de la TVA ou le remboursement TVA pour le cas des prestations ou des fournitures auprès de ces organisations non gouvernementales. Et au niveau de la douane, on peut observer les erreurs qui sont commises par certaines ONG et qui sont relatives à la gestion de la fin de la fin des projets ou de la clôture des activités. Je tiens à informer que également certaines, donc la plupart des ONG louent les maisons dans lesquelles elles travaillent. Alors, pour le cas de l'impôt locatif, par exemple, qui vient d'être collecté ou qui est collecté annuellement, et certaines ONG ne coopèrent pas efficacement dans la collecte de cet impôt ou tout simplement n'aident pas convenablement pour que les bailleurs puissent déclarer les vrais frais de location. Alors, pour que l'impôt sur les revenus locatifs puisse être bien collecté. Une petite rectification avant de continuer notre édition. Le bidon de 20 litres sur le marché noir à Chibitoke s'achète à 120 000 francs, Boup à 12 000 francs, comme on l'avait annoncé. Page sécurité à présent, trois personnes ont été arrêtées ce jeudi matin sur la colline Mulengeza, en commune Manda de la province Bubanza. C'est après des échauffourées qui ont éclaté ce mercredi soir. Une personne a été grièvement blessée selon l'administration locale. Les détails avec Space Caritas Cabagnana. Trois personnes ont été arrêtées ce matin pour être interrogées sur des échauffourées qui ont éclaté sur la colline de Mulengeza, c'est en commune Manda, ce mercredi soir. Des sources en provenance de cette colline font savoir qu'une personne a été sérieusement tabassée et se trouve actuellement sous des soins intensifs à l'hôpital. Au niveau de l'administration locale, on explique que tout a commencé le matin de ce mercredi, au moment où un habitant de la colline de Mulengeza a malmené le chef de colline et l'a même interdit d'entrer dans son bureau. Et par après, il a disparu. Il a réapparu le soir et quand on voulait l'attraper pour le remettre à la justice, un autre groupe s'y est opposé et une bagarre a éclaté. Celui qui est à l'hôpital a été blessé au cours de ces échauffourées, selon le chef de colline. Emmanuel Ndayiragije explique également que ce climat de mésentente a commencé avec les élections des COSA, Conseil des agents de santé communautaire, des élections qui ont été qualifiées d'injustes par certains habitants de cette colline, selon cet élu collinaire. Au moment où des sources sur place à Mulengeza parlent des échauffourées entre les jeunes Imbonerakure et les jeunes du Sénel, l'administrateur de la commune Manda dément ces informations et précise plutôt qu'il a été sur place sur cette colline ce mercredi soir pour s'enquérir de la situation. Il a trouvé que la colline était calme et que ces bagarres avaient été provoquées par l'ivresse. Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, précise cependant que ceux qui ont malmené le chef de colline devront être interrogés par des instances habilitées. Space Caritas Kabanyana, en commune Manda, pour la radio Isanganiro. Merci Space Caritas Kabanyana. Et c'est par ce reportage de Kabanyana que nous mettons un point final à ce journal. Mais un rappel pour le rappel des titres avant de boucler cette édition. Les organisations œuvrant en mairie de Bujumbura enregistrent quelques manquements en rapport avec les recettes fiscales. Cela a été précisé lors de l'atelier de sensibilisation. Le porte-parole de l'Office Burundi des recettes, OBR, appelle à ces ONG au respect des procédures fiscales. Cherté des matériaux de construction en commune Lugombo de la province Chibitoke, et cela est lié à la pénurie de mazout, s'achetant actuellement à 120 000 francs bout le bidon de 20 litres sur le marché noir, comme expliqué par les fournisseurs de ces matériaux. Et en commune Kabedi de la province Bujumbura, la population menacée par les glissements de terrain demande aux bienfaiteurs de leur venir en aide. C'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.